إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فإن الله تعالى أرحم الراحمين وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها فبرحمته خلقنا وبرحمته رزقنا وبرحمته عافانا وأطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وبرحمته هدانا للإسلام والإيمان والسنة والعمل الصالح وبرحمته علمنا ما لم نكن نعلم وبرحمته دفع عنا شر الأعداء قال الله سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا وبرحمته أنزل المطر وأنبت النبات وبرحمته يدخل عباده المؤمنين العاملين الصالحات الجنة وبرحمته ينجيهم من النار فالأشياء كلها برحمة الله سبحانه وتعالى فالعبد بحاجة أن يعرف كيف يحصل على هذه الرحمة ولرحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أسباب كثيرة سنذكر في هذه الخطبة شيئا منها إن شاء الله تعالى Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est certes le plus miséricordieux des miséricordieux et il est plus miséricordieux envers ses serviteurs que la mère pour son enfant. Par sa miséricorde, il nous a créés. Par sa miséricorde, il nous a accordé notre subsistance. Par sa miséricorde, il nous a préservés, nous a nourris, nous a abreuvés, nous a vêtis et nous a accueillis. Par sa miséricorde, il nous a guidés à l'islam, à la foi et à la sunna, ainsi qu'aux œuvres pieuses. Par sa miséricorde, il a repoussé de nous le mal des ennemis. Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon la traduction des sens rapprochés, Allah prend la défense de ceux qui croient. Par sa miséricorde, il a fait descendre la pluie et pousser les plantes. Par sa miséricorde, il fera entrer ses serviteurs qui accomplissent des œuvres pieuses au paradis. Et par sa miséricorde, il les sauvera du feu. Toutes les choses ont donc lieu par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Le serviteur a alors besoin de savoir comment obtenir cette miséricorde. Et la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, envers ses serviteurs, a de nombreuses causes. Et nous mentionnerons certaines d'entre elles dans ce sermon, incha'Allah ta'ala. Awalan, al-ihsan fi ibadati Allah, subhanahu wa ta'ala, fi ikmaliha, wa itqaniha, wa muraqabatu Allah, subhanahu wa ta'ala, fiha, bi an ta'bud Allah ka'annaka tarah, فإن لم تكن تراه فإنه يراك وكذلك الإحسان إلى الناس بما تستطيع بالقول والفعل والمال قال الله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين Premièrement, parmi les causes pour obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, la bienfaisance dans l'adoration d'Allah en les accomplissant de manière complète et parfaite, en étant conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe en l'adorant comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Et également, la bienfaisance envers les gens, selon ce dont tu es capable, par la parole, les actes et l'argent. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction des sens rapprochés, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. ثانيا ومن أهم أسباب الرحمة تقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بما في ذلك إيتاء الزكاة إلى مستحقيها والإيمان بآيات الله سبحانه وتعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه. قال الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. Deuxièmement, on compte parmi les plus importantes causes pour obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala la crainte pieuse d'Allah et son obéissance, en accomplissant ses ordres et en s'écartant de ses interdits. Et on compte parmi cela l'acquittement de la zakat à ses ayants droit, la foi au signe d'Allah et le suivi de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ce dans ce qu'il a ordonné comme dans ce qu'il a interdit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon la traduction des sens rapprochés: et ma miséricorde embrasse toute chose, je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et ont foi en nos signes, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré. Thalithan, ومن أسباب رحمة الله بعبده رحمة مخلوقاته من الآدميين والبهائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحم يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي. ويتأكد ذلك في حق الفقراء والمساكين والمحتاجين والجزاء من جنس العمل. Troisièmement, on compte parmi les causes de la miséricorde d'Allah envers son serviteur la miséricorde envers ses créatures, parmi les humains et les animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les miséricordieux, le tout miséricordieux leur fait miséricorde. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, et celui qui est au-dessus du ciel vous fera miséricorde. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Et ceci est encore plus confirmé au sujet des pauvres, des nécessiteux et des gens dans le besoin. Et certes, la rétribution est du même genre que l'œuvre. Rabi'an, wa min asbabir rahma, al-iman wal-hijra wal-jihad fi sabilillah. Qala Allah تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فهؤلاء المؤمنون رجوا رحمة الله بعد أن عملوا موجبات الرحمة، وهي الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله. والهجرة تشمل الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام وترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. ومما يشمل الجهاد جهاد النفس في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. رواه البيهقي. Quatrièmement, on compte parmi les causes de la miséricorde la foi, la hijra et la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon la traduction des sens rapprochés: certes, ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ces croyants ont donc espéré la miséricorde. Ils ont espéré la miséricorde d'Allah après avoir accompli les causes nécessaires de la miséricorde, qui sont la foi, la hijra et la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la hijra englobe l'émigration d'une terre de polythéisme vers une terre d'islam, et aussi le délaissement de ce qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et le muhajir est celui qui délaisse ce qu'Allah a interdit, reconnu authentique à l'unanimité. Et parmi ce qu'englobe la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait de lutter contre son âme dans l'obéissance à Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et le mujahid est celui qui lutte contre son âme dans l'obéissance à Allah. Rapporté par Al-Bayhaqi. Khamisan, wa min asbab ar-rahma iqam as-salah wa ita'u az-zakah wa ta'atu Allah wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, kama qala ta'ala: wa aqimu as-salah wa atu az-zakah wa ati'u ar-rasul la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala: wa ati'u Allah wa ar-rasul la'allakum turhamun. Cinquièmement, on compte parmi les causes de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son serviteur l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat et l'obéissance à Allah et au messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit selon la traduction des sens rapprochés: accomplissez la prière, acquittez la zakat et obéissez au messager afin qu'on vous fasse miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également dit selon la traduction des sens rapprochés: obéissez à Allah et au messager afin qu'on vous fasse miséricorde. Sadisan, wa min asbab الرحمة دعاء الله سبحانه وتعالى بحصولها باسمه الرحمن الرحيم وغيره من أسمائه الحسنى كأن تقول يا رحمن ارحمني. قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فيسأل لكل مطلوب بالاسم المناسب لحصوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال تعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالدعاء وتكفل بالإجابة وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. Sixièmement, on compte parmi les causes de la miséricorde le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour l'obtenir par ses noms Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ou autre parmi ses noms qui sont les plus beaux noms, comme en disant Ya Rahman, Irhamni, oh tout miséricordieux, fais-moi miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction des sens rapprochés, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par ses noms. Invoque pour chaque chose, demandez par le nom approprié à sa survenance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction des sens rapprochés, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Et il a également dit, subhanahu wa ta'ala, et dit, Seigneur, pardonne et fais miséricorde, c'est toi le meilleur des miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc commandé l'invocation et il s'est engagé à y répondre et il ne manque jamais à sa promesse. Sabi'an wa min asbab ar-rahma ittiba' al-Qur'an al-Karim wal 'amal bihi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Septièmement, on compte parmi les causes de la miséricorde le suivi du noble Coran et sa mise en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon la traduction des sens rapprochés « Et voici un livre béni, et voici un livre béni, c'est-à-dire le Coran, que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux afin qu'on vous fasse miséricorde. » Thaminan wa min asbab ar-rahma al-istima'u wal-insatu li tilawati al-Qur'an al-Karim. Qala Allah ta'ala wa idha quriya al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Huitièmement, parmi les causes de la miséricorde, le fait d'écouter attentivement et d'observer le silence lors de la récitation du noble Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon la traduction des sens rapprochés et quand on récite le Coran, écoutez-le attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde. Tasi'an wa min asbab ar-rahma al-istighfar wa talab al-maghfira min Allah subhanahu wa ta'ala law la tastaghfirun Allah la'allakum turhamun. Neuvièmement, parmi les causes de la miséricorde, le fait d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon la traduction des sens rapprochés, si seulement vous demandiez pardon à Allah, peut-être vous serait-il fait miséricorde. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfiru Allah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafur ar-rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، كثير من الجهال اعتمدوا على مغفرة الله ورحمته فضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا فآثرها على الآخرة ورضي بها بديلا من الآخرة وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتصويره. Serviteur d'Allah, de nombreux ignorants se sont appuyés sur le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde et ont alors négligé ses ordres et ses interdits et ont oublié qu'il est dur en châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon la traduction des sens rapprochés, informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux, et que mon châtiment est certes le châtiment douloureux. Et les plus leurrés parmi la création sont ceux qui sont leurrés par ce bas monde et l'ont préféré à l'au-delà et l'ont agréé à la place de l'au-delà. Et ceci est une des plus grandes tromperies et tentations du diable. Ayyuha al-Muslimoun, yanbari an yu'alam anna man raja shay'an istalzama rajahuhu thalathata umur. Ahaduha mahabbatu ma yarju, athani khawfuhu min fawatihi, athalis sa'yuhu fi tahsilihi bihasb al-imkan. Wa amma raja la yuqarinuhu shay'un min thalika fahuwa min babil amani. Ô musulmans, il convient de savoir que quiconque espère une chose, alors son espoir implique nécessairement trois choses. La première est l'amour de ce qu'il espère. La deuxième est la peur que cela lui échappe. Et la troisième est qu'il fasse des efforts afin de l'obtenir selon ses possibilités. Quant à un espoir qui n'est pas accompagné de cela, alors c'est plutôt une aspiration mensongère. عباد الله حسن الظن بالله إنما يكون مع فعل أسباب النجاة كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم فانظر كيف قدموا أمام الرجاء الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين أي المحسنين في عبادة الله المحسنين لعباد الله ولم يقل إن رحمة الله قريب من العصاة والفسقة والملحدين قال الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي فهؤلاء المؤمنون المتقون لله بطاعته وترك معصيته المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد هم أهل رحمة الله serviteur d'Allah. La bonne opinion envers Allah ne peut être qu'en accomplissant les causes pour être sauvés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon la traduction des sens rapprochés, « Certes, ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. Ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Observe donc comment ils ont fait précéder à leur espoir la foi, la hijra et la lutte sur le sentier d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon la traduction des sens rapprochés, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants, c'est-à-dire les bienfaisants dans l'adoration d'Allah et les bienfaisants envers les serviteurs d'Allah. Et il n'a pas dit la miséricorde d'Allah est proche des désobéissants et des pervers ou proche des athées. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon la traduction des sens rapprochés, et ma miséricorde embrasse toutes choses, je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et ont foi en nos signes. Ceux qui suivent le messager, le prophète, illettré, ces croyants sont ceux qui craignent pieusement Allah par son obéissance et le délaissement de sa désobéissance. Ceux qui suivent le messager et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là sont les gens de la miséricorde d'Allah. Ceux-là sont les gens de la miséricorde d'Allah. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ayn wa aslih lana sha'nana kulla la ilaha illa ant waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.